2C. Tu sais quelle heure il est? Je sais, je suis désolé, j'étais en réunion. Écoute, André, je préfère que tu me dises la vérité. Mais Corinne, je n'ai rien à me reprocher. Je suis fatigué. Et je trouve que tu es injuste de m'accuser alors que j'ai passé toute ma journée à travailler. Je te jure, j'ai essayé de t'appeler pour te prévenir, mais mon forfait était fini. Je n'en peux plus, André. Je ne te croirai plus jamais. Je te quitte, cette fois, c'est fini. Non, Corinne, c'est trop bête. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Je vais changer, je t'assure. Laisse-moi un peu de temps. Ma décision est prise, André. Je ne reviendrai pas dessus. Je veux que tu quittes l'appartement d'ici ce week-end.